la vérité mon fils. J'ai grandi dans ma tête, même si mes actes ne l'admettent guère. Car j'ai mené la même guerre, au fond c'est elle qui m'enterre. Pourquoi se mentir, rien m'attire et je traumatise quand les gens me disent que tout m'attise. Mais je peux pas me taire car si peu de rêves se réalisent. Et comme je te l'ai dit fils, on construit nos édifices. Mais beaucoup les détruisent et ces altruistes tu lis des fiches. Stigmatise dans le fond, c'est pas comme dans la forme. T'apprendras vite que son avance que dans la norme. Et te rendras vite que c'est plus dur d'être un homme quand l'amour devient ce qu'on évite. Mais c'est comme courir toujours après un lièvre qui court plus vite que goûter les lèvres de celle qui t'invite sous ses draps, qui dans une fièvre te cédera sous ses bras. C'est comme se perdre des souvenirs de ce poème. Quand je perds les rimes, j'ai dit je t'aime et je l'ai écrit. Aujourd'hui je le crie comme si c'était un crime. C'est en 10 ans tout a changé. Être un mec bien, c'est se mettre en danger. Mon fils, voilà la vérité. La vérité, c'est que ce monde part en couille et que les gens deviennent froids. On se débrouille comme on peut, on vit peu ou de pas à part. On construit nos édifices, c'est comme je te l'édifice. On sait pas où on va, juste on y glisse. La vérité, c'est que ce monde part en couille et que les gens deviennent froids. On se débrouille comme on peut, on vit peu ou de pas à part. On construit nos édifices, c'est comme je te l'édifice. On sait pas où on va, juste on y glisse. Je dirais qu'à 10 ans, on est peu médisant, mais soi-disant fragile, adroit et agile. Soit dit en passant, à 20 ans, on est plus convaincant, plus crédible. Mais moins crédule et donc plus inflexible. À 30 ans, on remonte la pente, le poste cible est vacant. On a l'estime des grands, même de ceux qui se la racontent. Invasible face aux sentiments, le sang qui monte de quelques centimètres. On sait qu'on se prend quand on prétend, on sait où se mettre. Mais on se défend quand un veut nous la mettre. On sait paraître sans oublier d'être. On s'emporte, on claque les portes, on sent fort, on pète les fenêtres. On n'a plus peur des peut-être, on sait que la naïveté est morte. On n'a plus que du courage, de la témérité. On a soif de l'image, de voir ce qu'on a mérité. Tendance à mériter, à 30 piges mon fils, voilà la vérité. La vérité, c'est que ce monde part en couille et que les gens deviennent froids. On se débrouille comme on peut, on vit peu ou de pas à part. On construit nos édifices, c'est comme je te l'édifice. On sait pas où on va, juste on y glisse. La vérité, c'est que ce monde part en couille et que les gens deviennent froids. On se débrouille comme on peut, on vit peu ou de pas à part. On construit nos édifices, c'est comme je te l'édifice. On sait pas où on va, juste on y glisse. J'ai ce discours, on peut. Mais on n'est pas les plus à plaindre. Ailleurs mon fils, faut cavaler pour pas s'éteindre. Ici c'est pas le plus bel endroit du monde. Mais si tu saisis pas ta chance du premier coup, tu peux toujours tenter à la seconde. Allez c'est bon, je vais pas t'abîmer tous tes rêves. Sache que quand t'es un volcan s'éteint, un autre s'élève. Regarde ces mots sur ses lèvres, je l'ai cité. C'est de ton père pour qui même si t'es personne, t'es célèbre. Et c'est la vérité. La vérité, c'est que ce monde part en couille et que les gens deviennent froids. On se débrouille comme on peut, on vit deux ou de pas à pas. On construit nos édifices, c'est comme je te l'édifice. On sait pas où on va, juste on y glisse. La vérité, c'est que ce monde part en couille et que les gens deviennent froids. On se débrouille comme on peut, on vit deux ou de pas à pas. On construit nos édifices, c'est comme je te l'édifice. On sait pas où on va, juste on y glisse. David Scott, 2010. On construit notre édifice, c'est comme je te l'édifice. On avance pas, on glisse. Voilà la vérité, mon fils. La vérité, mon fils.